laisser emporter le tourne-disque contre vous. Il était là. Et là. C'est ça la beauté de la musique. Ne peut pas te l'enlever. J'avais jamais ressenti ça avec la musique. Tu peux m'enlever la joie de vivre, enlever mon choix de vie, enlever mes larmes qui te rentrent dans le paquet de mouchoirs fines, enlever les mots, les émotions mais pas les notes. Non, tu peux enlever notre nom, pas besoin de parler une autre langue pour comprendre ça. Et les gens pour ne disent pas le contraire, enlève-moi tout mais pas le tourne-disque. J'écris pas pour le titre, mon sang circule au sens du rythme. Et parfois je cours, je risque de tomber bien bas. Tu peux m'enlever l'envie, après ne viens pas demander mon level en fit. En fait, je réalise qu'on m'a pris beaucoup. Peux-tu m'enlever la poisse qui m'a grippé aux couilles? Je montre mes tripocous, on peut pas me les enlever les gars. Je crie pas au secours, je donne de l'art blessant mais légal. Je mets les gaz. Même quand on m'enlevait la pêche, j'ai la zic en tête. Elle et moi, on semble faire la paire. Peu de choses m'appartiennent, malgré le peu que j'ai. On peut tout me prendre, femme et ce que j'aime. Pas d'effet pour me rendre, et tant de bouche je me rends bien compte qu'un jour ou l'autre on finira par terre. Peu de choses m'appartiennent, malgré le peu que j'ai. On peut tout me prendre, femme et ce que j'aime. Pas d'effet pour me rendre, et tant de bouche je me rends bien compte qu'un jour ou l'autre on finira par terre. Tu peux pas m'enlever la rage, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. J'avance les poings serrés d'un pas discret, mon dernier souple. Je me sens pas supérieur, je marche sur personne, je recolle seul les morceaux. En 4K sur perso, je suis toujours là. Puis quand même quand l'inspi me trompe, je vais dans la bonne cuisine. Et c'est mes textes que les miens pimenteront. Je lâche des rimes en trompe, personne changera ça, mec. Je dis que tout ira mieux le jour où chacun rangera sa merde. Tu peux voler mes idées, mais pas mon imagination. La nuit, je rêve d'un monde où y'a pas de monstre ni machination. Le réveil reprend ses droits, je ne peux remplir ma pensée droite. Donc forcément, je gamberge en m'écartant des pensées droites. Maintenant, tu peux plus faire ce que tu veux. Tu referas pas un monde plein de couleurs si tu mets que du feu. Depuis l'époque du feu, l'effort gagne, c'est le désorcas. Pour de l'argent, certains seraient prêts à m'enlever des organes. Peu de choses m'appartiennent, malgré le peu que j'ai. On peut tout me prendre, femme et ce que j'aime. Pas d'effet pour me rendre, et tant de bouche je me rends bien compte qu'un jour ou l'autre on finira par terre. Peu de choses m'appartiennent, malgré le peu que j'ai. On peut tout me prendre, femme et ce que j'aime. Pas d'effet pour me rendre, et tant de bouche je me rends bien compte qu'un jour ou l'autre on finira par terre.